entrez, je vous prie. Marguerite, entrez, c'est ici que j'habite. Ne regardez pas trop, car ce n'est pas très beau. Et surtout, c'est si petit qu'il faudrait presque rester debout en visite. Et je vous avoue, Marguerite, que je n'osais pas vous emmener chez moi. Pour autant, vous voilà mes voisins, sont deux amoureux. Je suis entré chez eux, c'est merveilleux. Ici, quand c'est gris et qu'il pleut, chez eux ce n'est pas pareil, il fait soleil. Et j'ai pensé que vous sauriez me dire comment on invite un peu de printemps. Marguerite, est-ce qu'on le retient en vous prenant la main? Dans vos yeux, il y a tant d'azur que les murs sont devenus bleus. Tout de suite, reste encore un peu, Marguerite. Je t'attends depuis tant de jours, tant de nuits. Ne pars pas, je t'aime tant que je crierai de joie. Et tous les voisins viendront nous rendre visite, Marguerite.